Les aventures de Tintin par Hergé. Adapté par Catel Guillou. Avec la troupe des comédiens français. Le temple du soleil. Cinquième et dernier épisode. Tombant à travers une chute d'eau, Tintin a découvert par hasard une entrée secrète du Temple du Soleil. Avec le capitaine Haddock et Zorino, il a traversé un long tunnel souterrain débouchant sur un tombeau inca. De là, en poussant une dalle, tous trois ont basculé à l'intérieur du temple au moment même où s'y tenait une cérémonie sacrée. Conduits devant le dernier descendant des souverains incas, ils ont été accusés de profanation. Grâce au talisman que lui a donné Tintin, Zorino a pu avoir la vie sauve, mais Tintin lui-même et le capitaine ont été condamnés à mort sans recours possible. Une seule grâce leur a été accordée. Ils ont 24 heures pour choisir le jour et l'heure où le soleil devra mettre le feu à leur bûcher. Eh bien, Milou, que fais-tu là? Où as-tu déniché ce papier? Fais-moi voir ça. Qu'est-ce que c'est que ce morceau de journal? Eh bien, c'est celui que vous m'aviez demandé de conserver et qui devait nous servir à allumer du feu. Tiens, tiens. Intéressant, cet article. Dommage que... Milou! Ici, Milou! Lâche ce papier! Milou, veux-tu m'obéir? Bon, Milou, ici! Rends-moi ce journal! Ah, je crois bien que je vais parvenir à raccommoder cette... Milou! On s'appelle les popettes, veux-tu oui ou non cesser ce petit jeu? Allons, ici! Allez, donne-moi ça. Où en étais-je? Ça, par exemple, c'est vraiment curieux. Quelle coïncidence. Mais alors, si je comprends bien... Ça y est, elle est réparée. Tintin, est-ce que vous ne pourriez pas... Youpi! Oh. Tonnerre de Brest, ma pipe! Mais tralala y tout! Mais tralala y tout! Oh mon ciel, Tintin, que se passe-t-il? Capitaine, capitaine, nous sommes sauvés! Sauvés? Comment? Expliquez-vous! Eh bien, voilà. Et puis non. Je crois qu'il vaut mieux que je ne vous dise rien. Je puis me tromper et je ne veux pas vous donner de fausses espérances. Cependant... Écoutez, capitaine, faites-moi confiance et promettez-moi de m'obéir en tout, sans chercher à comprendre. Vous saurez plus tard. D'accord, mais... D'accord. Allons bon, c'est donc promis. Armons-nous de patience. En attendant, je vais réparer votre pipe. Et pendant ce temps-là... Mais tiens, ils ne sont pas ici. Curieux. Le pendule indiquait pourtant qu'ils se trouvaient dans un endroit très élevé. C'est donc qu'ils doivent se trouver dans un endroit plus élevé encore que la tour Eiffel. Oh. Le lendemain matin... Eh bien, étranger, avez-vous fixé vous-même le jour et l'heure de votre mort? Oui, noble fils du soleil. Je désire... Nous désirons mourir dans... Oui, dans 18 jours, à 11 heures. Ce sera l'anniversaire de naissance de mon ami le capitaine, et je... Moi? Mais Tintin, vous êtes fou! Silence, capitaine. C'est pas... Vous m'avez promis d'obéir. Eh bien, soit. C'est dans 18 jours exactement... À l'heure que vous avez choisi, que vous expierez votre crime. Garde, qu'on les emmène, qu'ils soient bien traités désormais, et que leur moindre désir soit exaucé. Et quelques instants plus tard... Ici, señores. Salle du palais, où vous logez, maintenant. Merci bien. C'est très joli. Et maintenant, Tintin, allez-vous m'expliquer ce que tout cela signifie? Pas encore, capitaine, pas encore. Je ne puis vous dire qu'une seule chose, tout va bien. Regardez cette belle corbeille de fruits exotiques. Tout va bien. Tout va très bien, madame la marquise. Nous allons être grillés vifs dans 18 jours, mais à part ça, tout va très bien. Je dirais même plus, comme nos amis Dupont et Dupont, tout va bien. Délicieux. Les jours ont passé. Plus que 6 jours demain matin, tonnerre de Brest. Un misère de misère. Et le lendemain, comment en sortir? Qui pourrait nous aider? Zorino, peut-être. Cessez de vous tourmenter, capitaine. Le jour suivant... C'est formidable. Nous n'avons plus que 5 jours à vivre, Mille Sabord. Et vous faites de la culture physique. Le moment est vraiment bien choisi. Que voulez-vous, capitaine? Il faut bien conserver sa souplesse. Souplesse, souplesse, souplesse. Pas besoin de culture physique, moi, tonnerre de Brest, pour rester souple. Voulez-vous voir ce que je peux encore faire à mon âge, hein? Regardez cette table. Je vais sauter par-dessus à pieds joints, sans élan. Faites attention à la coupe de fruits, capitaine. Hop. Vous trouvez ça drôle, vous? Plus que 4 jours. Il ne sera pas dit que je me laisserai rôtir ainsi comme un vulgaire poulet. Il faut absolument s'évader. Vous savez bien que c'est impossible. Plus que 3. Que faire, bon sang, bon sang? Plus que 2. Et vous restez là à vous prélasser mes millions de sabords. Il faut faire quelque chose. Ayez confiance, capitaine. Dans 2 jours, nous serons sauvés. Plus qu'un jour. C'est fini. Plus rien à espérer. Jamais je n'ai touché à ce point le fond du désespoir. Au même moment... D'après le pendule, ils doivent être bien bas. Au fond de cette pine, peut-être. Ah. Et le lendemain... Plus que quelques heures à vivre, Mille Sabord. Et tout ce que vous trouvez à faire, c'est de relire pour la 100e fois ce morceau de journal. L'expédition suisse est en route pour la cordillère des Andes. Elle sera... Et le reste est déchiré. Ah, sans ces damnés barreaux de tonnerre de Brest, il y a longtemps que je ne serai plus ici. J'ai réussi! Libre! Nous sommes libres! Vite, Tintin, vite! Ne faites pas ça, capitaine! Vous allez vous rompre les os. Vous allez vous attendre. Trop tard, tonnerre de Brest. L'heure est venue. Veuillez passer la robe du sacrifice. Moi? Passer cette espèce de chemise de nuit? Jamais! C'est la loi. Il faut obéir. Je vous dis jamais! Et quand je dis jamais, c'est jamais! Voyons, capitaine. Qu'on lui passe la robe du sacrifice. Jamais! Le bûcher. Voilà notre bûcher. Et vous croyez que je vais monter là-dessus, moi? Jamais, vous m'entendez? Tiens, prends ça. Et voilà pour toi. Et toi? Et maintenant, filons. Il faut coûte que coûte échapper à cette bande d'enragés. Satanée robe de carnaval. Impossible de courir avec ça. Rien de cassé au moins, capitaine? Non, rien, non. Mais je préférerais avoir les 2 jambes cassées plutôt que d'être attaché à ce poteau de malheur. Quelle est donc cette musique? Vous appelez ça de la musique, vous? Joli chant. Voilà Monsieur Tournesol, capitaine. Tournesol, que nous avons cherché pendant si longtemps. Le voilà. vous, capitaine. Oh, quelle bonne surprise. Comment allez-vous? Très bien, merci, comme vous voyez. Oui, vous aussi, mon cher Tintin, vous voilà. Je suis si heureux de vous retrouver. Mais dites-moi, que signifie cette sorte de mascarade? Où sommes-nous ici? Chez les Incas, professeur. Ah, du cinéma. Bon, je comprends. C'est une reconstitution historique, sans doute. Ces gens-là sont costumés comme... comme des Aztèques, dirait-on. Ou plutôt non, comme des Incas. Précisément, des Incas. Vous l'avez deviné. Ah oui, admirablement grimé. Et voyez cette danse, quelle naturelle, quelle conviction chez le moindre de ces figurants. Pourvu que tout se passe comme je l'espère. Nobles fils du soleil, voici vous nous l'heure du sacrifice. Et pendant ce temps-là, en Égypte... Et ils ne sont pas non plus près de ces pyramides, semble-t-il. Pourtant, d'après le pendule, il doit être quelque part où il y a beaucoup de soleil. Que les sacrifices commencent! Que les grands prêtres du soleil s'approchent du bûcher! C'est l'Indien qui m'a donné le talisman. Et qu'est-ce que c'est que cet instrument qu'il tient dans les mains? Ça, c'est la loupe qui doit mettre le feu à notre bûcher. Même leurs accessoires paraissent remarquablement authentiques. Non, je ne veux pas qu'on les touche. Non. Oh, Pachacamac, puissant astre du jour, toi qui as fait le monde, toi le dieu qui l'anime, frappe ce bûcher de tes rayons vengeurs. Arrête! Ô Waskar, tes invocations ne seront pas entendues par le dieu souverain. Et toi, ô puissant soleil, montre à tous par un signe tangible que tu ne désires pas la mort. Silence, chien d'étranger! De quel droit oses-tu t'adresser au soleil? Ô sublime Pachacamac, je t'adjure de manifester ta toute puissance. Si tu ne veux pas de ce sacrifice... voile ici, devant tous, ta face étincelante. Pauvre petit, il a perdu la raison. Mais non, votre chapeau est très beau lui aussi. Merci, ô astre souverain. Merci, ô soleil. Tu as entendu ma prière. Voici que tes rayons déclinent. Mais ma parole, il a raison. La lumière baisse. Que se passe-t-il? Est-ce que je deviens fou, moi aussi? C'est de la sorcellerie! Mais quel est ce prodige? Oh! Cette scène de panique est admirablement jouée. Et cette idée d'attendre une véritable éclipse pour la tourner, géniale! Une éclipse! Une éclipse! Une éclipse! Inutile de s'alarmer, c'est tout simplement une éclipse. Grâce, étranger! Je t'en supplie. Fais que le soleil luise à nouveau et je t'accorderai tout ce que tu me demanderas. Soit, noble Inca. J'ai confiance en ta parole. Sois donc rassuré. Je vais ordonner au soleil de réapparaître. Ô soleil, puissant astre du jour, je t'en conjure, sois clément. Aie pitié de tes fils et que ta lumière réapparaisse. Vite, on les délivre à l'instant. Eh bien, capitaine, le journal, comprenez-vous à présent? C'est magnifique. Merci. Ô puissant astre du jour, merci d'avoir daigné répondre à l'appel du jeune étranger. Le soleil a rendez-vous avec la lune, même la lune n'est pas là, le soleil. Un peu de majesté, capitaine, comme ici, il y a des gens qui demandent au soleil. Pendant ce temps-là... Personne non plus sur ce circuit d'autotamponneuse. Et pourtant, ils sont quelque part où ils ont été fort secoués. le lendemain. Je n'ai qu'une parole. Oh, nobles étrangers, vous êtes libres. Et je vais vous faire reconduire jusqu'au pied des montagnes. Je te remercie, noble fils du soleil. Mais j'ai encore une demande à t'adresser. Je t'écoute. Il y a dans mon pays 7 savants qui, je le suppose, continuent à endurer à cause de toi de terribles souffrances. Quelle que soit la manière dont tu les tiens en ton pouvoir, je demande que tu mettes fin à leurs tourments. Ces hommes sont venus ici comme des hyènes, pour violer les tombeaux et piller nos richesses sacrées. Ces hommes méritent le châtiment que je leur ai réservé. Non, ces hommes ne sont pas venus ici pour piller, noble fils du soleil. Ils n'ont eu d'autre ambition que de faire connaître au monde entier vos traditions séculaires et la richesse de votre civilisation. Soit, je te crois. Et d'ailleurs, je n'ai qu'une parole. Veuillez me suivre, ô étranger. Je vais devant vous mettre fin à leur supplice. Regardez, voilà 7 statuettes de cire. Chacune d'elles représente un des hommes dont vous m'avez demandé la grâce. C'est d'ici, de ces sanctuaires, que par magie nous les faisons souffrir. C'est d'ici que nous allons mettre fin à leur supplice. De l'envoûtement, je m'en doutais. Mais les boules de cristal, à quoi servaient-elles? Ces boules contenaient un liquide sacré, tiré de la coque, qui plongeait les victimes dans un profond sommeil, pendant lequel les grands prêtres les tenaient en son pouvoir jusqu'au moment où l'envoûtement commençait. Je comprends tout maintenant. Les boules de cristal, la léthargie, les souffrances endurées par les explorateurs au moment où, ici même, le grand prêtre torturait les statuettes qui représentaient chacun d'eux. Détruis ces statuettes, Waco. Bien, noble fils du soleil. Au même moment, en Europe. Mais qu'est-ce que je fais ici? Et que s'est-il passé? Et comment se fait-il que je me trouve dans cette clinique? Que fais-tu ici, Charles? Non, je me demande, Sanders. Et toi? Vous ici? L'obé par Clermont? Comment se fait-il que... Hein? Mais comment est-il donc arrivé? Et le lendemain... Ainsi donc, mon cher Zorino, tu as décidé de rester ici. Nous te disons donc adieu. Peut-être un jour, qui sait, nous reverrons-nous. Adieu, ami Tintin. Avant de vous quitter, noble étranger, j'ai moi aussi une grâce à vous demander. Je sais laquelle, noble fils du soleil. Et je tiens à vous rassurer tout de suite à ce sujet. Je jure que jamais je ne révélerai à quiconque l'emplacement du temple du soleil. Moi aussi, vieux frère, je le jure. Que le grand Cric me croque et me fasse avaler ma barbe si je lâche un mot à ce sujet. Moi aussi, je le jure. Jamais je n'accepterai de tourner dans un autre film, même si Hollywood me faisait un pont d'or. Vous avez ma parole. Merci. J'ai confiance en vous. Voilà vos guides et vos lamas. Mille sabords, encore des lamas. Voulez-vous ouvrir un des sacs que transportent ces lamas? Volontiers. Tonnerre de Brest. Ça alors? C'est inouï. De l'or, des diamants, des pierres précieuses. Je vous remercie, noble fils du soleil, mais nous ne pouvons accepter de tels présents. À moins que vous n'insistiez, bien entendu. Oh, c'est si peu de choses comparées aux richesses de ces temples. D'ailleurs, puisque j'ai votre parole de ne rien révéler, veuillez me suivre. Pendule s'agite. Vous avez vu cette porte? Oui. On dirait de l'or. Entrez. Mon Dieu, de bijoux, de pierres précieuses, par milliers. Voilà les trésors des Incas. C'est lui que les conquérants espagnols ont cherché en vain pendant tant d'années. Je vous affirme qu'il doit y avoir de l'or dans les environs. Mon pendule ne m'a jamais trompé. Pendant ce temps-là... En tout cas, on peut être sûr d'une chose, c'est qu'ils sont pas non plus au pôle Nord. Ça, non. Des jours et des jours ont passé. Voilà, señores. Nous quittez-vous ici. Maintenant, vous prendrez le train et puis rentrez dans votre pays. Adios, señores. Et que le soleil vous soit propice. Minute. Ne partez pas tout de suite. Tintin, voulez-vous tenir ma carabine pendant quelques instants? Volontiers. Mais qu'allez-vous faire? Je vais profiter de cette fontaine bienvenue. De l'eau? Le capitaine boit de l'eau à présent? Je n'y comprends plus rien. Du vin, vous croyez? Tout va bien, capitaine? Tu as payé pour tous les autres, mais tant pis. J'avais ça sur le cœur depuis trop longtemps. C'était le Temple du Soleil, d'Hergé. Cinquième et dernier épisode. Une coproduction France Culture, Hergé Moulinsart et la Comédie Française. Adaptation, Catel Guillou. Musique originale, Olivier Davio, orchestré par Didier Benetti pour l'Orchestre National de France. Avec Éric Ruff, Marc Charlet, Thierry Ancis, le capitaine Haddock, Denis Podalides, le professeur Tournesol, Laurent Natrella, le professeur Bergamote, Christian Gonon, l'Inca, Serge Bagdasarian, Dupont, Bakary Sangaré, Wascar, Pierre-Louis Calixte, Chiquito, Christian Heck, Dupont, Nicolas Lormeau, le professeur Ornet, Suliane Brahim, Zorino, Elliot Génico, Monsieur Cantono, Noam Morgenstern, Tintin, Didier Sandre, le narrateur, et Marina Kapp dans le rôle de Milou. Et les élèves comédiens de la promotion 2017-2018, Juliette Damy, Michael Wakerim, Audroinet, Mathieu Astre, Robin Goupil et Alexandre Chorderet. Et la participation de Maria Villasis, Harrison Arevalo, Denzel Caillé-Gonzalez, Paul Granier, Alonso Venegas Flores et Edward Wolf. Chœur et musicien du Temple du Soleil, Lily Aimonino, Guillemette Foucard, Ludivine Issembourg, Cyril Mercadier, Juliette Meyer, Aurélie Miermont, Didier Benetti. Conseillère en prononciation, Amaranta Kuhn. Bruitage, Sophie Bissens. Conseillère littéraire, Emmanuelle Chevrière. Prise de son, montage et mixage, Bruno Mourlan et Mathieu Leroux. Prise de son musicale, montage et mixage, Jean-Louis Deloncle, Mathieu Leroux et Alice Legros. Assistant à la réalisation, Vivian Demeyer. Réalisation, Benjamin Habitant.